après Terminator 1, 2, 3, il est de retour. En politique comme poste de gouverneur de la Californie, votez Arnold. Arnold Schwarzenegger. Il va faire le ménage dans la fonction publique en tirant une coupe de dynamite. Il va prendre son bazooka pour éliminer le déficit puis sacrer une claque sa gueule à toutes les autres ministres. Votez Arnold Schwarzenegger comme poste de gouverneur de la Californie. C'est un gentil garçon qui vient d'Autriche et qui est riche. Votez Arnold Schwarzenegger comme gouverneur de la Californie, vous ne serez pas déçus. Il est vraiment gentil avec les gens normaux, mais pour les méchants, il va leur sacrer un coup de couteau. Votez Arnold Schwarzenegger comme gouverneur de la Californie. Oh oui, c'est lui que je choisis.